Eh ben celle-là, elle était intense, je sais pas combien. Oh là, celle-là, je pense qu'on a joué pendant 1 heure. On a joué pendant 1 heure, celle-là quand même. Bonne question. C'est vrai que. Ici, il y a un truc là que j'ai installé ici depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu reconnais le pédalier. C'est un slicer SL20. Ça fait 2 ans que j'ai acheté. J'ai pratiquement jamais vraiment pu l'utiliser parce que dans mon setup comme je voulais. Là, j'ai réussi à faire un genre de. J'ai réussi à l'incorporer dans mon DAW. On peut essayer ça, sauf que le truc chiant, c'est qu'il faut que je mette un drum. Ouais,